Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès du Fou pour la semaine du 8 au 14 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Bon après-midi, Stéphanie. Bon après-midi, Mathieu. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Après-midi slash début de soirée. Ouais. Slash début d'avril. Ça peut être pas mal n'importe quand que les gens nous écoutent en balado et tout, là. Hein? Ben oui. Et bonne journée. Bonne nuit. Ben, je vais me coucher, moi. Donc aujourd'hui à l'émission, on a une dizaine de nouvelles entrées. C'est assez incroyable le nombre de nouvelles entrées qu'on a. En anglophone, il y a Groenland, How to Destroy Angels, André Papanicolaou et We Are Wolves. Du côté francophone, on a Chantal Archambault, Mauve, Lisa Leblanc, Les Trois Accords et Karim Ouellette qui reviennent avec une nouvelle pièce et une nouvelle formation, Rock Forest. Ouh! Mm-hmm. Intéressant, ça. Donc, ça en fait 10 en tout. On va aussi avoir le bloc Palmer Rest in Peace pour savoir qu'est-ce qui nous a quitté depuis la semaine passée. On va faire ça tantôt. On a les instants classiques d'Assemblage Rookie. Toujours. T'es dedans, j'imagine, sûrement, probablement, peut-être. Ah, ça va être une surprise. Je sais pas. Pour moi aussi, ça va être une surprise. Oui. C'est une surprise pour toi aussi? Ben, exactement. On reçoit ça d'outre-mer. Là, on ben envoie oui, ça en ça. Corée du Nord. C'est eux autres qui font le montage? Ou Kim Jong-un. Travaille Kim Jong 2, là, il. Avec son traducteur pour réussir à pogner les bonnes syllabes de chaque mot pour faire un mélange avec ça. Ben oui, finalement, c'est un peu freestyle. Lui et son ami, le joueur de basket. Oui, oui. Ça. Ça s'appelle Dennis Rodman. Ah, je te suis plus, ça. Là. Ah, laisse pas. La semaine passée, mon numéro 1 était du côté anglophone. Oh, Colin, c'est ça. Je l'ai cherché longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est pas nécessairement encore au sommet. David Bowie avec The Stars Are Out Tonight. Et du côté francophone, c'était Château de Sable de Rouge Pompier. Mm-hmm, mais on va débuter avec les 20e places de chaque côté. C'est nouveau. Donc, We Are Wolves tantôt avec un nouvel extrait, le deuxième de la mort pop club. Ce sera Moving Fast. Mais tout juste avant, on va entendre La Moindre des Choses de Karim Ouellette. Au Palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique. Là. Ça bouille. Puis la meilleure. Comme la sauce à spaghetti. Ah, oui. Ça bouille. Je sais pas le bruit que ça fait quand ça bouille. Tu cuisines souvent? La bouche au bout d'une cigarette et les deux yeux dans l'eau. Oh, oh. Je cherche ma voix sur les palmarès et rêve comme un saut. Oh, oh. Mais quand j'aurai réussi, libéré de mes pieds gauches, je t'écrirai qui je suis. C'est la moindre des choses. Mais je sais ce que je veux faire. Plonger ta première, tout le reste peut t'attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît en un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Les paris sont ouverts, alors faites vos jeux. J'ai déjà misé gros. Oh, oh. J'ai pensé qu'on m'écouterait un peu en écrivant ces quelques mots. Oh, oh. Mais quand je serai plus grand, je ne saurai plus quoi faire. J'écrirai ce que je ressens, ma soeur, ma frère. Mais je sais ce que je vais faire. Plonger ta première, tout le reste peut t'attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît dans un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Si cette vie en vaut ma peine, je soufflerai sur d'autres chanteurs. Mais je sais bien que tu m'aimes. Fais ta valise, on se fait la belle. Mais je sais ce que je veux faire. Plonger ta première, tout le reste peut t'attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît dans un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Je préfère qu'on disparaisse ensemble. C'était We Are Wolves, la position numéro 20, nouveauté anglophone. C'était Moving Fast, le deuxième extrait de leur CD La Mort Pop Club. Et le numéro 20, francophone, c'était La Moindre des Choses de Karim Ouellet de l'album Fox. Pas ma préf de l'album, mais bonne. Préf? Non, c'est ça, ma préf. Tu sais, on a beaucoup aimé ici. On a eu évidemment l'amour, mais avant tout le monde. Évidemment. Donc, on s'en est débarrassé une fois qu'elle a commencé à jouer ailleurs. Donc, l'amour, il y a eu Fox. Moi, j'ai bien aimé aussi Foudre et Le Lapin Blanc. La Moindre des Choses est le nom de cette pièce-là et ça va faire son petit bout de chemin pendant les prochains mois, ça, j'en suis sûr. Ben, j'espère. Ben, je le souhaite à Karim. Karim, Menoum, faudrait pas arrêter de de manger du carême comme dans le carême, mais c'est une blague de carême. Blague de religion? Une blague de religion, je sais pas, mais je m'y connais pas, fait que ça tombe à plat un peu. Un peu. C'est ça, c'est marrant. Donc, il nous reste encore 8 nouvelles entrées. Du côté anglophone, la prochaine sera André Papanicolaou. Hein, c'est un artiste qu'on aime, qu'on a reçu en entrevue ici, ben pas ici, mais à l'émission Le Dîner de Con avec Danny Janvier, qui lui aussi l'a bien aimé. Donc, son album s'appelle Into the Woods, Out of the Woods. On va écouter l'extrait à You Can't Lose If You Don't Play. Et du côté francophone, toujours en 19e position, on va entendre La drogue en moi de Rocheforest. La drogue et moi, Stéphanie, je te pensais pas de même. Non, mais La drogue et moi, tu trouves pas, ça fait comme un titre de livre éducatif pour... Oui, comme Marley et moi. Un peu préadolescent. Ah, je voulais faire une blague de Marley et moi, mais là, si je le dis, ça vole le punch, excuse-moi. Hein? Tu sais, parce que la drogue, c'est la drogue et moi, à la fin, tu meurs. Marley et moi, en tout cas. Ouais. Chez, il meurt à la fin. Chez, il meurt. Voici Rock Forest, tout de suite. La drogue en moi. Oh. Pensez pas trop à ça. J'ai volé le punch d'un film de 5 ans, hein, c'est pas grave, mais t'sais. Je l'avais pas vu, mais... Ben, regarde-le pas. C'est au palmarès, c'est fou. Best get out the way.

It's the little things that slip away. And if you're honest, what do you think would happen if we stood for something? If you believe in it, keep believing it. Yes, How Long, de How to Destroy Angels. L'album s'appelle Welcome Oblivion. Et ça, c'est le groupe de Trent Reznor, entre autres. Et puis, un paquet d'autres gens. Pas tellement mon genre à moi. Non, ça a l'air, là, j'ai entendu des commentaires de notre public, ça serait une toune de danseuse, ça. Une toune de danseuse. De bar de danseuse, je veux dire. Ouais, ben, Ouais, ce genre de danseuse-là, là. OK. Avec des filles qui s'appellent Angel, comme dans How to Destroy Angel. C'est ça, mais je connais pas beaucoup ça. Là. Je me tiens pas vraiment d'un bord de danseuse. Angel et Candy. Ou en français, Angèle. Natacha. Natacha. Non, là, Candy. Non, bonbon. Bonbonne. Bonbonne. Bonbonne, OK, oui, j'aime ça. Bonbonne. Elle doit être de duel. Ça a l'air à ça, ça a l'air à ça. Donc, avant How to Destroy Angels, on a sauté par-dessus la 18e position franco. Oui, qui était Fleur de Londres de Violette Pie. On va sauter parce que c'est pas une nouvelle entrée. On a 10 à écouter. On va pas écouter les vieilles affaires, là. Mais non, c'est sa 12e semaine. Ridicule, mais ça joue encore à fond la caisse, la bonbonne. Ben oui, à fond la bonbonne. Bonbonne, elle aime bien ça. Avoir entendu André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play, la première pièce, le nouvel extrait de l'album Into the Woods, Out of the Woods de cet André, appelons-le Papa. Papa. Papa. Le Papa. Oui, Papa. Oui. Ouais, c'est ça. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était La Drogue en Moi de Rock Forest en 19e place. C'est très calme, mais c'est bon, ce Rock Forest, j'ai bien aimé. Va falloir que je réécoute. Tout à fait. Eh bien, on va la rejouer à Assemblage Rocky. Hey, hein? Ben c'est une bonne idée. Bonne idée, ça. Il reste encore un paquet de nouvelles entrées. On va y aller tout de suite avec les 17e places du côté anglo. Ce sera Groenland, formation montréalaise. Leur album, c'est The Chase. On va entendre The Things I've Done. C'est la dernière pièce nouveauté du côté anglophone. Ah, et du côté francophone, on va entendre Je me touche dans le parc des trois accords, qu'on a quand même entendu souvent assez fou. Ouais. Mais bon, c'est la première fois qu'elle entre dans le palmarès. On l'adore tous, donc on va entendre ça. Yeah, right now! Palmarès, c'est fou, le Crazy Corner! 89.1 FM! Floc-a-floc-a-floc, je me touche dans le parc. Wick-a-wick! Ah, pas floc-a-floc! Ah, là, ils sont dans le parc, c'est ce que je veux dire! Je me trouvais au sommet de la chaîne de gaieté. retourne à l'institut avec Alexandre. Je reste ici jusqu'à ce que l'on vienne me prendre. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand ça nous anime. C F O U 89 1 numéro 17. I've done, la dernière nouvelle entrée du côté anglophone en 17e place. Leur album est The Chase. Et tout juste avant, c'était Les Trois Accords avec Je me touche dans le parc. Mm-hmm, très bon bloc. On disait que Les Trois Accords, là, c'est un album concept là, où les histoires se suivent. Oui, des histoires. Ça parle de l'Institut dans Je me touche dans le parc. Donc, il y a clairement un lien. Là. Avec Retour à l'Institut, la pièce qui était sur le palmarès juste avant. Exactement. Mais c'est la pièce qui est après sur le CD. Moi, je dis qu'on aurait dû y aller dans l'ordre des pièces. T'sais. Ben oui, il y a une histoire là, qui relie toutes ces pièces-là. Tu dis pendant 5 semaines, tu mets la 1, pendant 5 semaines, tu mets la 2, tu sais? puis pendant 5 semaines, tu mets la 3. Je pourrais continuer longtemps là-dessus, oui, exactement. Ben, tu pourrais continuer le nombre de tunes qu'il y a sur l'album. Ben, il y en a combien, tu penses? Oh, 10 chansons. Sauf qu'il faudrait sauter Bamboula, ça joyeux. Et maudit. Bon. Ça veut dire quoi, Bamboula? Je sais pas, hein? C'est comme du bambou, là. Pour faire la Bamboula, faire le party. Ah, peut-être, faire hein? la bamba, la samba. La fiesta, la tequila, por favor. Arriba, arriba. C'est le caliente. Grow Inland, c'est vraiment, vraiment bon. L'autre nouvelle pièce qu'on a entendue du côté anglo, là, vraiment fantastique. C'est un groupe de Montréal, The Chase, qui va être disponible à partir du 16 avril. Donc, dans les prochains jours, là. Mardi, pour ceux qui savent compter. Et là, ils nous disent, contrairement à la pensée générale, Groenland est non seulement une île glaciale, mais aussi une formation musicale établie à Montréal. Fondée par Sabrina Hald, à la voix, ukulélé, clavier et percussion, Jean-Vivier Lévesque, clavier et électro-percussion, ancien membre des groupes Roi Poisson, Colin Roi Poisson, Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon en tabernouche. C'est vraiment très, très bon. Bon. Donc, Roi Poisson est le citoyen. Le groupe propose une pop in. Pop. Ça, hip-hop, hein, c'est de la pop, fait qu'il propose, si on veut. Ah, ben oui. Indie orchestrale sur des textes à la fois sombres et remplis d'espoir. Voilà. En anglais, d'ailleurs. Génial. Groenland, allez voir sur Facebook. C'est facebook.com/Groenlandband. Il nous reste encore quelques nouvelles entrées, mais on va sauter par-dessus quelques pièces du côté anglophone. Donc, on saute par-dessus les 16, 15 et 14. En 16e, c'est Elphinstone avec Setting Sun. En 15e, c'est Teenage Icon de The Vaccines. Et en 14e, c'est Illitrons avec Venus at Your Back Door. Donc, ça veut dire qu'on va rester en français. On va entendre plus tard dans le bloc Chantal Archambault et Mauve, mais on débute en 16e place. Avec Je suis pas un cowboy de Lisa Leblanc. Non, écoute-moi bien chanter dès que tu fermes les micros. Je mets mon pied à terre. Et moi, mon point d'en face, si tu mets pas cette toune-là. Oh, on vient dans mes cauchemars avec encore Lisa Leblanc. Ça a pas fini. Oh, bon, on va la laisser chanter. Hein. C'est des paroles assez fous. 89.1 FM. Je suis pas un cowboy, mais j'aime ce prétend. Ah! J'ai pogné à Saint-Tite.

Chantal Archambault et le deuxième extrait de l'album de Chantal Archambault qui s'appelle Les Élans, hein? C'est pas grave. C'était l'extrait Tombé frêle, deuxième après Les Détours, qui a quitté depuis la dernière fois. Et qui est, selon moi, mille fois meilleur. Tellement, mais c'était le premier extrait qu'on aurait voulu mettre à l'époque. Mais par contre, il y avait un embargo sur cet album-là, donc on pouvait pas jouer d'autre chose que Les Détours. Et c'est celle qu'on a décidé de mettre, hein, finalement, par un processus de probable choix. Oui, c'est pas mal ça. Et mais tout juste avant Chantal Archambault, on a entendu Motel Bonaparte de Mauve. Et en 16e place, Je suis pas un cowboy de Lisa Leblanc. Ben non, hein? Maudite Lisa Leblanc qui est encore de retour avec une autre chanson poche. C'est pas vrai. Moi, je suis vraiment contente. Là, quand j'ai vu l'album dans le rack de CD à palmarès, j'ai dit « Oh, calé! » Dans ce qu'on appelle le palmarac. Hein, le palmarac, oui. On n'a jamais dit ça, mais maintenant, on va le dire. Ben oui, c'est spontané. Hein, c'est toujours meilleur quand c'est spontané. C'est comme un palmarès. Quand on est plusieurs personnes en studio et que oui, c'est ça copule sans cesse. Là. Ben oui, tout le monde fait ça au palmarès. Là, donc, si vous voulez venir chroniquer avec nous, faut s'y attendre. Là. Donc, après avoir entendu autant de nouvelles entrées, ça fait 45 minutes qu'on est en mode nouvelles entrées. Donc, un trois quarts d'heure bien rempli de plein de nouvelles choses à se faufiler dans les oreilles comme de la soie dentaire. C'est pas de, ça va pas d'un dent, ça, la soie dentaire? Ouais, on pourrait appeler ça de la soie, donc. De la soie... Horaire. La soie. Oui, Steve. Merci pour le malaise, ouais. Oui, tout à fait. T'es peu. Voyons, comment qu'on a. Auto. Auriculaire, auditive. Auriculaire? Le petit auriculaire? Ça, c'est le petit doigt? Oui, c'est ça. Tabarouette. On se perd, je pense. On se perd. On devrait mettre un frein à cette conversation tout de suite parce qu'après avoir joué les nouvelles entrées, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, on a un nouveau bloc qui vise à rendre hommage aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine passée. Et c'est ce qu'on s'en va faire à l'instant. Voici notre palmarès in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittées depuis la semaine dernière. Give me two reasons why. Oh, give me two reasons.

Elvis. Et Open the Doors, stable en 10e position anglophone. Et du côté francophone, des histoires de fantômes d'hôtels Morphée. Mm-hmm, on se quitte quelques instants, la deuxième heure s'en vient, manquez-la pas. Il va y avoir la musique, entre autres, de Tao and the Get Down, Stay Down, The Bicycles, East Road, Ponctuation, Pierre Lapointe, Les Indiens, un paquet d'autres. Hey, juste la bonne musique. Ouais. Ah, mais c'est vrai, on sort David Bowie, non. C'est vrai, c'est blague. Lisa Leblanc a déjà joué, fait que tout le stock qu'on aime pas est passé. On est correct. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou. C'est toujours les palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 avril 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Les palmarès KFAO. Les KFAO. KFAO. C'est comme Papa Nicolas ou Nicolas. Oui. Nicolas. Il est où le papa? On se demandait, tu sais, on a joué tantôt Papa Nicolaou en nouvelle entrée en 19e place anglo. Et on se demandait, tu sais, nous on prononce Papa Nicolaou, mais peut-être que, tu sais, on pourrait lui demander, puis peut-être qu'il va nous dire, ben c'est Nicolaou. Puis on préfère le saut, ça se prononce peut-être Gauthier. Peut-être, hein, on saura jamais. Il y a des groupes comme ça qu'on se le demande, comme, tu sais, c'est qui l'autre groupe que je te demandais tantôt? Violette Pie? VIP, c'est-tu Violet Pice, VIP? Duchess 16, c'est-tu Duchess 16 ou Duchess 16? Tu sais, il faut chercher des fois pour savoir. Ben ouais. On est rendu en 9e place en ce début de 2e heure. On va entendre plus tard Tower de Get Down, Stay Down. Et l'ancienne position numéro 4 qui est maintenant donc descendue en 9e, c'est City. Mais on commence en francophone avec À bout de souffle de Ponctuation qui reste stable. Mais restez là parce que tantôt, les instants classiques s'en viennent. Oh! Oh, mais c'est une rigolade, toi, là. Ça va être cocasse et farfelu. Bah! Oh, oh, oh, oh. Ça va virevolter partout. C'est virevoltant de saveur. Écoutez, les palmarès, c'est fou. 89.1 FM.

des extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1 Numéro 7. Tremble. The moon guides the rising night. From where you are, can you see the same sky? Wolves in my lungs and wings on my breath. Bubbling brooks of blood in my veins. Rustle my leaves and falling at my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh Lord, what will you do? What will you do? For all to rejoice, and December it is once again on my course. Here I am, might be my choice, but music can replace our love. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly myself, oh Lord. Oh love, I'm still longing for you. Longing for. Stop thinking, I've been told not to go. It's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my Eastroll et Oh Love pour son numéro 7 anglophone, ça monte d'une place. Et du côté francophone, c'était Boucan de Les Indiens. Ben oui, Boucan, hein? On parlait tantôt des règles de sécurité lors d'un feu. On vient pas là-dessus pendant. On laisse faire, ça que ça veut. On me fait signe, le régisseur, metteur en onde, nous dit on laisse faire la conversation, d'accord. Ah, fini les signaux. De fumer. Hey, c'est un beau lien. Hey, j'avais une amie, quand on était jeune, elle avait un chat qui s'appelait Fumer. Okay. Et moi, je passais mon temps à l'appeler Boucan, puis elle aimait pas ça. Non. C'est tout. Ben c'est beau. C'est cute, t'as un chat. Fumé ou boucan? Non, un chat, un boucan. Non, un chat. Un chat, c'est beau? C'est un chat, ouais, c'est beau. Ok, tu parlais pas du nom? Non. Mais c'est quoi le rapport? Rien. Ok. C'est juste beau, un chat. Ça a-tu besoin de raison de plus que ça? Ben oui. Internet est bâti sur des fondations de chats? Effectivement. Ouais? Oui. Vive voilà. Les chats. Super. Tiens, on parlait de feu de forêt, encore. Donc, la prochaine position francophone est justement occupée par forêt. Par contre, plus tard, il y aura 100 Valentine et The Pulse, qui était une nouvelle entrée la semaine passée. Elle monte maintenant de 14 places. Oui, mais là, tu me pointes que je dise quoi? Que tu répètes le nom de la pièce de forêt parce que je réalisais que je savais un petit peu pilé dessus. Un peu comme on pile sur les branches dans une forêt. Ça fait crouch, crouch, wicka, wick, wacka, wack. Wick, wick, guacamole, ça que t'as dit? Wick, wick, guacamole. Oh, ça serait bon, des nachos. Squick, squick, wick, wick, wick, guacamole. Oh. Caliente. Arriba, arriba. Servez-en, pour favor. Fait que finalement, on s'en va entendre comme maquiller de forêt. Oui, on a compris que c'était forêt finalement. Finalement, forêt, bois. Comme maquiller, maquillage. Body painting. Oui. Pinceau. Pinceau. Tous des euphémismes pour des relations sexuelles. Pinceau! Sors ton pinceau! C'est un palmarès, c'est fou, hein? Mais oui! Malheureusement. C'est par l'enveloppe du cœur s'ouvre et touche avec les yeux et touche avec les foies, les âmes soufflent et donnent silence. Au pied des arbres morts. I'm gonna catch one to you. mets du ketchup dessus. C'est pas ça qu'elle dit. Mets pas de ketchup on you. Non, c'est pas ça. On vient d'entendre Andre Valentine et The Pulse, position numéro 6, avant de 14 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais tout juste avant, on a entendu du côté francophone Corps maquillé de forêt. Mets du ketchup dessus. Non, plus droit la deuxième fois. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça prend du ketchup. C'est vrai. Ben, c'est une blague de condiments. Et des condiments, pas mal tous les condiments sont bons, hein? Non, moi, honnêtement, la relish, hier, ça m'écœure. Oh, comment? La moutarde, juste d'un smoke meat. Maillot, c'est très récent, mais ça me prend de la vraie maillot. Pas de la Miracle Whip. Non, non, non, de la Hellman's. C'est ça. C'est de la vraie. Pas de la légère. Oui, la légère, elle goûte la même chose, mais toi, je sais que tu vas me dire non, ça prend du gras, ça prend du sucre, blablabla. Exactement. Mais il y en a de nouvelles à l'huile d'olive. Ah, donc, es-tu bonne? Je sais pas. Ben, on l'a acheté, mais le pot est pas fini. Ah, okay. Hey, ça, c'est des détails. Hein. T'as-tu essayé ta margarine à saveur de beurre? Oui, arrête de me pointer, s'il te plaît. Est-ce que ça goûte le beurre? Oui, ça goûte quand même le beurre, mais pas tant... Oui, c'est bon. Ah, le régisseur bon. Dit que oui, c'est bon. Exactement. On pourrait blâmer le metteur en ordre pour les gaffes techniques que je fais. Donc, non, c'est ça, ça goûte le beurre, mais je l'ai essayé sur des bagels plein goût. Ça cachait un peu le goût du beurre. Hein? Tu vois, d'autres détails. Ouais. Moi, ce que j'ai eu, c'est les bols de condiments à la cafétéria. Il n'y a plus ça à cette heure, mais avant, il y avait ça, des bols de condiments, genre la relish dans un bol. Fait que tout le monde double-dippé dans le plat de condiments? Tu me juges quand je double-dip, je double-dip à l'épicerie. Ouais, mais c'est dégueulasse. Je sais bien. Non, moi, je double-dip pas, mais juste le fait de dipper, tremper. Ouais, tu dip dans le double-dip d'autres truies. De doux les doudettes. Exactement. Ouais, dégueulasse. Donc, ça, c'était une conversation sur les condiments ou une conversation. Alors, on est rendu au position numéro 5 du côté anglophone. Il y aura tout à l'heure Modern Superstitions et Last Night's Dress qui monte de une place. Et du côté francophone, on va entendre Ça va, de Tremblay. Ouais, ça va bien. Puis ça a monté de 7 places. Ah, je pense que tu me le demandais pour vrai. Non, je comptais là, dans ma tête. Non, mais c'est pas. Non, le ça va. Ça va, ça va? Mais non, mais c'est sûr que ça va. On est au palmarès, c'est fou. Ah, mais c'est rendu bonheur, puis de jeu de mots, de blagues, puis de bonne humeur. Joie et farfeluité. Farfeluité, c'est comme une fluidité. Mais farfelu. Ah, farfelu. Virevolte. Ça coule bien. Oui, ça. Comme du ketchup. Oui. Y'en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Boston, Montréal, en série. Ça bouge, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fondre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Mais plus solide qu'avant. L'asphalte que je regarde quand je marche. La vie, j'ai dans la face. Comme le vent tu mènes. Qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge est collée off. Ce soir y'aura pas de la scale. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Mais plus solide qu'avant. dans le bonheur. Je me sens prêt maintenant. Je suis plus solide qu'un boxeur, mais plus solide qu'avant. Numéro 5. Vous attendiez pas à de la musique bonne de même, des bonnes marais, hein? Ça et surprend bon. Les gens. On vient d'entendre Modern Superstitions avec Last Night's Dress qui monte d'une place. Mais tout juste avant, c'était Ça va de Tremblay. Mm-hmm. Il nous reste encore pas mal de musique à entendre, le top 4, je vous dirais. Oh. On va aussi plonger dans l'entre-deux, entre les nouvelles entrées du top 10 tantôt. On a la section ailleurs dans les palmarès à faire. Wow! Plein de choses. Pour l'instant, donc, les quatrièmes en anglophone, c'est Rara. Avec Prairie Girl! Ça monte une place. Ça, c'est un callback aux blagues de la semaine passée. On a fait des blagues de Rara pendant un bout de temps. Hein. Et Stéphanie Pararadi? C'est vrai. Oh! Les Palmes Rares. Oh, c'est fou! Hein? Oh. Ok, Rara tout à l'heure. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça va être Abstinité de Saran Rap. Tu vois, quand on fait des bonnes blagues, on s'en rappelle longtemps. Ben oui. L'émission est basée là-dessus, on dirait, sur des blagues qu'on a fait avant le temps. De jadis? C'est ça. Judice! The Jedi. The Dice. Le retour du Dice. C'est les palmarès, c'est fou. 4. I am a darling, I am a dear, oh, cut your neck if you get too near. When the chips start falling, I'll stay here. Prairie Girl, position numéro 4 anglophone. Mais tout juste avant, côté francophone, obscénité de Saran Rap qui a monté de 7 places. Il reste que quelques secondes avant la troisième heure et le top 3 des palaises. Wouhou! Fait que restez là. C'est wouhou! Non, c'est excitant, hein? Oui, c'est virevoltant. Virevoltant de salaire. Est-ce que Rouge Pompier et David Bowie sont toujours en première place? Vous le saurez dans quelques minutes. Restez là. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89 1. C'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 avril 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Tu sais comment que c'est, là, tu sais, quand tu regardes l'heure. Ouais. Puis là, tu l'oublies deux secondes après. Là. Ben oui, tu regardes l'heure, on dirait que l'information sera au cerveau. Mais là, quelqu'un a vu, hey, il vient de regarder l'heure, je vais demander. J'ai aucune réponse à donner. C'est là, je regarde l'heure, je me dis, bon, tu sais, il est hop, le début de la troisième heure. Ouais. Oh. Là, je regarde ailleurs, hop, je reviens. Il est à quelle heure déjà? Ah, le début de la troisième heure. Voyons, il est quelle heure sur ton bras, pas de montre? Il est poil et poil et corps. Poil et corps? Poil et corps. Moi, j'ai grain de beauté. Et 7. Et 14. Des cheveux au hasard. Je sais pas pourquoi je me prends pour faire ce belle feuille de coussin. Ben oui. Poil et corps! Mets pas ça dans ta bouche! Joke de banane, ouais. C'est ça. Donc, on est rendu dans le top 3, pourquoi pas, du côté anglophone, il y a Raboy et Little Numbers, parlant de chiffres que j'ai dans mes poils. Mais t'as des petits chiffres, c'est bras! Uh-huh. Et tout juste avant, du côté francophone, on va entendre le numéro 1 de la semaine dernière, qui est Château de sable de Rouge Pompier. Ben non, ça n'a pas descendu, ça s'est écroulé comme si une vague lui avait... Ben là, écroulé, il parle pour David Bowie. Bop! Bop! David Bowie qui est annoncé numéro 1 du côté anglophone, qui est maintenant rendu Colin en position, je la cherche, la 13e place. Mmh. C'est malchancé, ça. En tout cas, Rouge Pompier, c'est pas mal meilleur. Hein? Bon, ben... Juste 10 piastres de plus... Place de plus. 10 piastres de plus? Ouais. Ça commence à être cher pour un palmarès qui est supposé être gratuit, là. Non, non, mais pas pour eux autres, là. On va envoyer le bill à David. À David. Ferron. Ben. Je sais pas. Time it. every wall. Tell me, is there a cure for me at all? For me at all? Tell me, I read your name on every wall. On every wall. Tell me, is there a cure for me at all? For me at all? Et Little Numbers, ça descend d'une place en troisième angle. Et du côté franco, c'était Château de Sable de Rouge Pompier. Good! Good, certain. C'est un bon bloc. T'es-tu bon à faire des Châteaux de Sable, toi? Ben, ça fait longtemps, je sais pas, peut-être. On pourrait se partir ça, on pourrait... T'sais, un club de Châteaux de Sable? Dans la salle d'archivage, là, c'est là qu'on mettait nos poches de sable qui tenaient nos drapeaux, c'est fou, là. Il y a plein de sable à terre, on pourrait peut-être aller faire un château. On pourrait aller jouer avec les poches. Porter mes grosses... Oui, oui, tes rêves, hein? Ben oui. C'est ça. Alors, j'aime pourrait... ça, le sable. Oui. Les grosses lunettes, petit pilo, toute la gang, non? Ah ouais? Pour animer l'émission, là, dans le... Ah ben oui. Tu sais que cet été, on va continuer d'animer probablement... Bon, on va s'arranger pour animer encore toi et moi. Ben oui. Avec d'autres gens, qui, j'espère, pourront tous être avec nous, hein, nos chroniqueurs et tout ça, dans une grosse émission cet été. Un méga party. On n'annonce pas encore le nom, ni la date de début, ni la case horaire, mais on sait qu'on va avoir du fun et ce sera plus sur un bateau de croisière, contrairement au passé. On change tout. Encore. J'espère qu'on va quand même pouvoir se faire bronzer. Ah, ça c'est clair. Hein? Ah, cool. Génial. Donc, position numéro 2 maintenant, c'est là qu'on est rendu du côté anglophone. Parlant de plage et de plaisir estival, on aura Suns avec Holocene City qui monte de 14 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre Olinéa avec Ta plus belle extorsion. Et les positions numéro 1 s'en viennent très bientôt, donc restez à l'écoute. À quelle émission déjà? Oh, palmarès, c'est fou. Non. Hein? Non, c'est pas si fou que ça, hein? Parce que les palmarès, c'est correct, ça. Non, c'est les palmarès, ouais, quand même pas pire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être plus fou, mettons? Je sais pas. Tout le monde tout nu! Yeah! Non? C'est juste moi? Non, ben, j'allais dire ça, mais je trouvais ça déplacé. Oui, ça déplace quelque chose. Par-dessus ta connaissance, ton innocence, son aplomb sournois, et ta présence de bourgeois. Yeah. numéro 2. These days, the hot and cold, they're making me believe in ideas. Formation Sons, une pièce de leur album Images du futur. C'était Holocene City en position 2. Anglophone, ça monte de 14. Et du côté francophone, en deuxième place, c'était Ta plus belle extorsion d'Olinéa. Ah, et c'est déjà le moment de numéro 1. Hey, déjà? Déjà, tout de suite, là, comme ça. Il nous reste encore une bonne 45 N de minutes. Oui, bien sûr. Et on aura le temps de plonger dans le reste du palmarès. Mais c'est ça, avant ça, ben, Caroline, à un moment donné, tu sais, l'hiver fini. tu sais. Puis là, la neige fond. Fait que tu te retrouves avec du caca de chien. Hein? Mais nous, au Palmarès, c'est fou, c'est comme un été éternel ou un éternel. Fait que jamais de caca de chien. Jamais de caca de chien nulle part. Et ce qui remonte à la surface, c'est de la bonne musique. Tu sais, de la bonne musique. Ou encore, comme quand tu quand t'as du pouvoir, ça te monte à la tête. Oui. T'sais? Ou encore, quand tu te mets à l'envers sur un divan, le sang te descend à la tête. Ouais. T'sais? Donc, c'est le genre de choses que je voudrais faire, comme si, mettons, j'avais à extraire les jeux de mots de mon cerveau et mon cervelet par association. Il faudrait que peut-être que je me mette à l'envers sur un divan. Mais on n'a pas de divan, c'est fou, il est rendu dans la cave parce qu'on a plus de place, parce qu'on a perdu tout mon bureau. Ah, c'est un peu déprimant, ça. Mais bref, donc voilà pour mon jeu de mots du côté francophone. J'avais même pas dit que j'allais faire des jeux de mots, tu sais. Fait que des fois, les gens sont comme pris par surprise. Et là, ça fait comme la controverse, les gens chialent. Il va y avoir une assemblée générale pour ces fous dans les prochains jours pour justement discuter du fait que mes jeux de mots, des fois, tombent à plat. Donc, ça fait des vagues, c'est ça que ça veut dire. Ça fait des vagues. Mais oui. Ça, puis là, ça continue de même. Tout le monde va dire, ben là, franchement, Mathieu, fais de l'air. Fais de l'air. Donc, voilà pour les jeux de mots du côté anglophone. Et là, vu que tu viens de m'offusquer en me disant fais de l'air, mon cœur saigne de tout son sang. Et c'est peut-être aussi le fait que je suis à l'envers sur un divan dans ma tête. Donc là, ça me saigne par les oreilles, saigne mon cœur, saigne mes oreilles. Voilà. Les jeux de mots sont faits. Pour ceux qui n'auraient pas compris... Tout le monde, d'accord? Donc, le numéro 1 du côté anglophone, on va entendre No Waves de Fiddler qui monte de 2 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça monte de 18 places, Ma tête dégèle de Jean-Philippe. Hein? Autant de textes et de scripts de blagues écrits par des scripteurs de talent. Oui, on voit là, ton petit cahier boudiné là, avec tous tes jeux de mots prêts pour les 8 prochaines semaines. Ah, boudiné. Parce que tu devines déjà les premières positions. Ben, je suis un devin, hein, un de top 20, certains diraient. Un devin de 20. Devin du top 20, de top 20. Tu disais, Jean-Philippe, right now? Maintenant? Numéro 1. Ma tête de gel. Ouh! Caca! Wow, non. On l'avait déjà dit, il faut plus dire. Non. On a épuisé notre quota de caca. Ou notre cacota. Oh. Dégèle. Ma tête dégèle. Comme le mousse qui dégèle au printemps. J'ai le sentiment de battre de l'aile. Mon corps s'éveille comme un ours qui se réveille au printemps. J'ai le sentiment de vivre par en dedans. Je n'accepte pas le monde comme je vois. Je sens personne quand il fait froid. J'entends pas. Yeah. clair. Je pensais me créer une religion. Je pourrais me faire plein de pognon. Mais j'entends pas être-vous là. Y'a des moments où je me s'endors. Et en première position. De chaque côté, on va faire un petit récapitulatif de chaque bar, pourquoi pas, tiens, comme on faisait dans le bon vieux temps. Du côté anglophone, la troisième, c'est Boy avec Little Numbers qui descend une place. En deuxième, ça monte de 14. Sands avec Ocean City. On vient d'entendre Fiddler en première place qui monte de 2 avec No Waves. Et du côté francophone, en troisième place, c'était Château de Sable de Rouge Pompier. En deuxième, Ta plus belle extorsion d'Olinéa. Et en première position, ça monte de 18 places, Ma tête dégèle de Jean-Philippe. On vient donc de compléter notre top 20 de chaque côté, mais on n'a pas tout joué, vous le savez. Il nous reste encore pas mal de temps. Il nous reste une demi-heure environ, un petit peu plus même, pour entendre ce qu'il y a entre les nouvelles entrées et le top 10. C'est ce qu'on va faire au retour de notre petite pause. On va entendre là-dedans, entre autres, Halo Trans, The Vaccines, Thomas Larcy. Oui, avec podcast. Plus tard, les Sœurs Boulées, Atomic Baobab, on va tout entendre ça. Malade, on a du temps aujourd'hui, pas de chroniqueur. Et ça va être très bon, ces pièces-là. Moi, si j'étais vous autres, je resterais à l'écoute. Je pense que oui. Ça sert à rien de partir. Hein. Vous allez le regretter? Ouais, pleurez pas, là, pleurez pas. Je m'appelle Ami Rabé, on 89.1. toujours au palmarès, c'est fou, c'est la petite portion additionnelle là, après les numéros 1 où on se gâte avec le restant du palmarès, le jus de sève, si on veut. Le quoi? Le jus de la sève. Ben oui, c'est bon, c'est trop d'érable. Exactement. Donc oui, c'est ça, c'est toujours Stéphanie Paradis. Toujours Mathieu Plante. Toujours pas de chroniqueur avec nous. Ben non. Ben non. Hey Mathieu, tu savais-tu que t'as l'air d'une pieuvre des fois quand tu places les CD et que tu fais ses putains en même temps? Comme j'avais 8 bras en même temps. Ouais, ce serait pratique. Hein? J'en ai 3. En fait, donc, j'ai 3 jambes. Ouais, c'est beau, là. Slack ses détails. Ouais, non. J'aimerais ça pouvoir slacker, mais c'est serré, les shorts. Tes shorts sont serrés, c'est ça? Mon t-shirt est serré à cause de ma grosse bedaine. T'es-tu en train de non, dire que je suis gros encore? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Encore? Okay. Non, c'est pas toi aujourd'hui qui m'a traité de gros steaky. Ben non, je sais pas. Personne en fait, hein. Je me crée ça dans ma tête, de toute pièce. Oh. Donc, on va entendre les pièces qu'on aime le plus dans celles qu'on a sautées. Donc, on a sauté du côté anglophone par-dessus les positions 16 à 11 quand même. Du côté franco, on a sauté par-dessus les 11, 12, 13 et 17. Donc, on va vous remettre ça dans 18, pardon. On va remettre ça dans l'ordre un petit peu. Donc, allons-y avec un groupe qui va comprendre Thomas Darcy et Il Jones plus tard dans ce même bloc. Mais tout juste avant, on va entendre c'est Teenage Icon de Vaxxies. Oh, ça, j'aime ça. Il parle d'un acteur, là. Ouais, oui. Frankie Avalon. Joey Scarpellino. Il est partout, ce gars-là. C'est pas le dos d'un parent. Exactement. Ça? Et sur la couverture de chaque magazine pour jeune fille. Genre cool. Mouillé. Exactement, oui. Quoi? J'ai dit mouillé, je m'excuse. Ah, ben, c'est parce qu'il pleut dehors. Oui. C'est ça, pendant qu'ils lisent leur magazine. Puis ils n'ont pas de parapluie. C'est ça. Dans le pantalon. Dans le scarpantaloon. Oh, non. C'est des palmarès, c'est fou. I know teenage icon, I know Frankie Avalon. Thomas Darcy et I Wake Up Every Day, c'est la position 12 en anglophone, ça fait plus 6 par en haut. Et tout juste avant, on a entendu Venus at Your Back Door de Illotrons et Teenage Icon de Vaccines. Tout à l'heure, on passera en francophone un peu, mais avant ça, vous le savez, vous le savez peut-être pas en fait, parce que les gens sont, ils ont voté, je vais réutiliser la même blague que tantôt parce que c'est ce qui me vient, ils ont organisé une assemblée générale pour débattre du fait que les gens pensent que les Palmarès C'est fou, c'est seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Mais ils ont tous tort et on va tous leur prouver sur un PowerPoint, étape par étape, devant le public pour leur dire non! C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des séries canadiens, un top 10 loud. Exactement. Bon, réutilisation de blagues. Il y a une assemblée générale pour C'est fou vendredi midi. Au 1006 du pavillon. Pierre Boucher. Mais c'est pour les gens qui nous écoutent pas le lundi. Parce que ça va passer. Donc jeudi ou vendredi. Ou vendredi. C'est vendredi prochain ou vendredi passé. Oui. Ah, mais même ceux qui nous écoutent le vendredi soir, c'est déjà passé. Fait que c'est juste pour les auditeurs du jeudi. Voilà. Exactement. Ah, ben oui, ben c'est oui. C'est pour ça qu'on parle jamais de rien de temporel, parce que c'est maintenant, mon disant. Ben, pourquoi t'en parles? Parce que c'est important. Ah, OK, oui. Soyez là demain. Oui. Ben, demain. Mais demain, vendredi. Bon, j'espère. Ah, rembarque-moi pas là-dessus. Donc oui, c'est un top 30 des albums. Pour commencer, je vais faire les nouvelles entrées. J'en vois 4. Donc en 30e place, on retrouve Zeus avec leur nouvelle... Oh non, pour vrai! Il y a un nouvel album de Zeus. Je trippe sur Zeus. Comment ça, j'ai pas vu ça? Donc ça s'appelle Cover Me. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. En 23e, on les a entendus en début d'émission, Rock Forest avec x1000. En 20e place, c'est André Papanicolaou qu'on a aussi entendu avec Into the Woods, Out of the Woods. Et finalement, en 18e place, c'est Growing Land avec The Chase. Et le top 3, c'est en 3e place, Boy avec Mutual Friends. En 2e place, ça a monté de 16. C'est Sans avec Images du Futur. Et en 1ère place, Fiddler de l'album Fiddler. Et ensuite, il y a le top 3 des disques canadiens. Oui, donc... En 3e place, Modern Superstition de l'album Modern Superstition. En 2e place, Rara avec The Poet's Dead. Et en 1ère place, Sund avec Images du Futur. Il ne reste donc que le top 10 loud et ce sera un défi comme toujours. Il y a 4 nouvelles entrées. En 6e place, c'est Suffocation avec Pinnacle of Bedlam. En 5e place, Reanimator avec Great Balls. C'est un spaghetti meatball. Ah, OK, moi j'allais plus dans le sens de bonne testicule. Meatball. Très, très excellent meatball. Testicule. OK. Ensuite, en 4e place, c'est Gvelartak. Ou Gvelartak, oui, c'est ça. Avec Mir. Et en 3e place, c'est Fintral avec Bloodswept. ensuite, en 2e place, ça descend d'une place. C'est donc l'ancien numéro 1. Voivod avec Target Earth. Ça fait vraiment, je crois que... Ben, c'est sa 11e semaine. Je crois qu'il a passé 10 semaines au numéro 1. Donc, une petite pause pour Voivod en 2e place. Donc, en 1ère, ça a monté de 1. Un petit échange. Running Christ. Avec Kataton, Daimonite. Running Christ. C'est pire que Bloody Vagina, ça. Ah, oh, ça, c'est ton groupe à toi qui va sortir Fétiche. Un jour. Un jour, ben, ça va sortir. Comme lors de l'évacuation de... Ah, oh, mon Dieu, on change de sujet. Dans un corps féminin. Pitié. Ouais, s'il te plaît. C'est l'heure du souper pour certains. Hein? Oui, peu importe, quand est-ce que vous l'écoutez, vous êtes sûrement en train de manger. C'est quelque chose. Quelque chose en quelque part. Donc voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à la page 1 de 2. Écrit en bas, page 1, 2, 2. Pour aller entendre du francophone et plus tard dans ce bloc-là, ben en fait, on va écouter les positions 11, 12 et 13. Hein. Plus tard, il y aura Atomic Baobab et avec podcast. Mais là, on s'en va entendre par le chignon du cou des Sœurs Boulées. C'est une bonne idée, hein? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Pognez ça par comme un petit chat. Quoi? Un petit chat? Un petit chat, pas un petit chat. C'est pas encore une blague de vagin. Oh, de bloody... Bloody vagina. Fallait dire en anglais, ça passe mieux. Hein. Mais je sais pas pourquoi les Sœurs Boulées te font penser à... Des petits chats? Ben parce qu'on parle par le chignon du cou, c'est vraiment une association très facile à faire. Est-ce qu'on écoute ça, moi? Ben, ça va être une meilleure idée que ce qu'on fait là. Le gars du fond commence à chanter, puis ça devient déplaisant. Ben, il a arrêté, je pense que j'en parle. C'est comme un auto quand tu l'amènes au garage. Hein? Ben oui, t'as entendu le bruit? Ah, cacling, cacling, non, il fait plus cacling, cacling. Non? Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Marcher sans savoir où aller en suivant les feux verts. Les deux poches toutes pleines de trous. Aller prendre un verre. Échapper

Atomic Baobab et la pièce, Colin, je l'ai perdue, je l'avais dans les yeux de là deux secondes. Pourquoi je l'ai perdue? Je sais pas. Pourquoi je bouge ma feuille, je la retrouverai pas en tout cas. Tu devrais faire comme moi. Moi, j'ai surligné, OK, ce qu'on joue en dehors, tu sais, du bloc top 10 avec des chiffres. Puis là, je me repère facilement. Mais t'es donc bien bonne, toi. T'as arrêté de faire tes nuages, toi? Oui, il y a quelques semaines, je faisais des petits symboles, une fleur, un nuage qui était très similaire en passant, un triangle, un rond, un carré. Échec, hein? Échec total. Échec. Donc, on vient d'entendre Atomic Baobab et l'arrêt du dimanche qui monte de 511e place. Franco. Oui, tout juste avant, on a entendu « Mon dos n'est pas une chaise d'avec pas de casque ». Et encore avant ça, en 13e place, on a entendu « Par le chignon du cou des sœurs Boulay ». L'émission est presque terminée, mais il nous reste encore du temps pour jouer un peu de musique. Ouais. Donc, on va entendre une pièce de la formation Mauve qui va être en spectacle très bientôt, Steph. Oui, très bientôt, genre demain. Les auditeurs du jeudi. Donc, on va y aller avec une date. Vendredi. Le 12 avril. Voilà. Au Zenob, c'est à 21h, je crois. Mais vous pouvez arriver à 20, il y a de la bonne bière. C'est à poil écart. Non, graine beauté et 7. Ah, excuse-moi. Sur le poignet de la vie. Le poignet sans montre. Ah, donc Mauve qu'on adore et qui sont sur le palmarès. Qui est sur le palmarès, si on veut parler correctement. Mais ça dépend, il y a un S à Mauve. Vrai. Donc peut-être qu'on peut dire comme il au pluriel. Ouais. Mais bref, le groupe Mauve, même si oui. C'est un groupe et non pas des membres individuellement qui sont en spectacle, hein, c'est un groupe. Donc Mauve avec la pièce Motel Bonaparte qui est sur le palmarès en ce moment. Avant ça, c'était Beatle ou T-Bird qui était sur le palmarès sur le premier extrait. Donc on va y aller avec un autre extrait. Hein, pour mettre l'eau à la bouche. Oh, que ça va être menum. Donc ça va être Giovanni Cabocchi qu'on va entendre à l'instant. Okay. Tu vas t'entendre ça? Comme? Ben oui. Faut aller voir le spectacle, j'ai hâte d'entendre ça. On se parle par-dessus l'un l'autre. Quoi? Comme, mais c'est... Ça vient de tous les missions. Mais non, mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas très poli. Pas très professionnel non, non plus. Non, faut pas faire ça. La machine. Non, mais arrête de parler. Non, mais vas-y. Il chante. Il ferme le micro. La chanson dure 2 minutes, on a déjà passé comme le quart de la chanson juste à parler par-dessus, tu sais. Fait qu'on va faire la blague de repartir la chanson. Je la fais à toutes les semaines. La machine a rêvé qui fait la passoire devant la vie. Les monceaux de capés de foie à la merci des idées, à la merci de tous mes sens. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait y goûter? Les histoires plus en plus déjantées, les acteurs du continent, mes brouilles qui a étouffé. Que t'en penses? Est-ce qu'on devrait les imiter? Et faire fi de mes idées. Ne se fier qu'à ses sens. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait nous initier? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait rester? C'était la dernière pièce de notre émission d'aujourd'hui. On va entendre un Mauve avec Giovanni Cabocchi. C'était bon? Une pièce bonus, excellent. Et ils sont en spectacle encore une fois vendredi soir. Oui, le 12 avril au Zenob. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. On a passé une belle émission et on va se retrouver en direct jeudi prochain entre 15h et 18h pour notre émission des Palmarès et Fous. Après nous à 19h, soyez là pour 13e étage. Une émission de... d'électro jazz éclectique. J'allais dire de musique. De musique, la plupart du temps. On repasse les vendredis entre 17h et 20h et c'est là pour Sky Punk avec du punk rock et finalement les lundis entre 14h et 17h. C'est l'émission de Maxime Tanguay et Jean-René Boutin en deux périodes. Qui s'en vient? Cocotte! Cocotte! cocotte. Il y en a un qui s'appelle Minou, assez fou, à l'émission La Belle et les Bêtes. Hein? Oui, Minou, Minou. Je trouve ça plus beau cocotte que Minou. Voilà. Alors, on se quitte avec une pièce qu'on a décidé de, pour se quitter, Elephant Stone, hein, c'est ça? Oui, donc en 16e place anglophone, Selling Sun d'Elephant Stone. Ce sera évidemment sur la plupart de nos stations. Voilà. Hey, passez une belle fin de semaine ou semaine. Bye, Steph. Ben oui, à la prochaine. Bye, les petits palmiers, tout petits de même. Oh. Qui grandissent avec le temps. Oh. Quoi? C'est cute. C'est de même, hein? Ben oui. Les palmiers, les auditeurs, les palmiers, c'est fou, les palmiers. Tout petit. Bye. This is so-